Chapitre 9e, la question des poudres. Restait à traiter la question des poudres. Le public attendait avec anxiété cette dernière décision. La grosseur du projectile, la longueur du canon étant donnée, quelle serait la quantité de poudre nécessaire pour produire l'impulsion? Cet agent terrible, dont l'homme a cependant maîtrisé les effets, allait être appelé à jouer son rôle dans des proportions inaccoutumées. On sait généralement, et l'on répète volontiers, que la poudre fut inventée au XIVe siècle par le moine Schwartz, qui payait de sa vie sa grande découverte. Mais il est à peu près prouvé maintenant que cette histoire doit être rangée parmi les légendes du Moyen-Âge. La poudre n'a été inventée par personne, elle dérive directement des feux grégeois, composés comme elle de soufre et de salpêtre. Seulement, depuis cette époque, ces mélanges, qui n'étaient que des mélanges fusants, se sont transformés en mélanges détonnants. Mais si les érudits savent parfaitement la fausse histoire de la poudre, peu de gens se rendent compte de sa puissance mécanique. Or, c'est ce qu'il faut connaître pour comprendre l'importance de la question soumise au comité. Ainsi, un litre de poudre pèse environ 2 livres, c'est-à-dire 900 grammes. Il produit en s'enflammant 400 litres de gaz, ces gaz rendus libres et sous l'action d'une température portée à 2400 degrés occupent l'espace de 4000 litres. Donc, le volume de la poudre est au volume des gaz produits par sa déflagration comme 1 est à 4000. Que l'on juge alors de l'effrayante poussée de ces gaz lorsqu'ils sont comprimés dans un espace 4000 fois trop resserré. Voilà ce que savaient parfaitement les membres du comité quand le lendemain ils entrèrent en séance. Barbicane donna la parole au major Elphiston, qui avait été directeur des poudres pendant la guerre. « Mes chers camarades, dit ce chimiste distingué, je vais commencer par des chiffres irrécusables qui nous serviront de base. Le boulet de 24 dont nous parlait avant-hier l'honorable J.T. Maston, en termes si poétiques, n'est chassé de la bouche à feu que par 16 livres de poudre seulement. Vous êtes certain du chiffre ? Demanda Barbicane. Absolument certain, répondit le major. Le canon Armstrong n'emploie que 75 livres de poudre pour un projectile de 800 livres, et la Columbia de Rodman ne dépense que 160 livres de poudre pour envoyer à 6000 son boulet d'une demi-tonne. Ces faits ne peuvent être mis en doute car je les ai relevés moi-même dans les procès-verbaux du comité d'artillerie. « Parfaitement, répondit le général. « Eh bien, reprit le major, voici la conséquence à tirer de ces chiffres, c'est que la quantité de poudre n'augmente pas avec le poids du boulet. En effet, s'il fallait 16 livres de poudre pour un boulet de 24, en d'autres termes, si dans les canons ordinaires on emploie une quantité de poudre pesant les deux tiers du poids du projectile, cette proportionnalité n'est pas constante. Calculez, et vous verrez que pour le boulet d'une demi-tonne, au lieu de 333 livres de poudre, cette quantité a été réduite à 160 livres seulement. Où voulez-vous en venir ? Demanda le président. Si vous poussez votre théorie à l'extrême, mon cher major, dit J.T. Maston, vous arriverez à ceci, que lorsque votre boulet sera suffisamment lourd, vous ne mettrez plus de poudre du tout. Mon ami Maston est folâtre jusque dans les choses sérieuses, répliqua le major. Mais qu'il se rassure, je proposerai bientôt des quantités de poudre qui satisferont son amour-propre d'artilleur. Seulement, je tiens à constater que pendant la guerre, et pour les plus gros canons, le poids de la poudre a été réduit, après expérience, au dixième du poids du boulet. Rien n'est plus exact, dit Morgan. Mais avant de décider la quantité de poudre nécessaire pour donner l'impulsion, je pense qu'il est bon de s'entendre sur sa nature. Nous emploierons de la poudre à gros grains, répondit le major. Sa déflagration est plus rapide que celle du pulvérin. Sans doute, répliqua Morgan. Mais elle est très brisante et finit par altérer l'âme des pièces. Bon, ce qui est un inconvénient pour un canon destiné à faire un long service n'en est pas un pour notre Columbiade. Nous ne courons aucun danger d'explosion. Il faut que la poudre s'enflamme instantanément afin que son effet mécanique soit complet. On pourrait, dit J.T. Maston, percer plusieurs lumières, de façon à mettre le feu sur divers points à la fois. « Sans doute, répondit Elphiston, mais cela rendrait la manœuvre plus difficile. J'en reviens donc à ma poudre à gros grains qui supprime ces difficultés. « Soit, répondit le général. Pour charger sa Columbiade, reprit le major, Rodman employait une poudre à grains gros comme des châtaignes, faite avec du charbon de saule simplement torréfié dans des chaudières de fonte. Cette poudre était dure et luisante, ne laissait aucune trace sur la main, renformait dans une grande proportion de l'hydrogène et de l'oxygène, déflagrait instantanément, et quoique très brisante, ne détériorait pas sensiblement les bouches à feu. « Eh bien, il me semble, répondit J. T. Maston, que nous n'avons pas à hésiter et que notre choix est tout fait. » « À moins que vous ne préfériez de la poudre d'or, » répliqua le major en riant, ce qui lui valut un geste menaçant du crochet de son susceptible ami. Jusqu'alors, Barbicane s'était tenu en dehors de la discussion. Il laissait parler, il écoutait. Il avait évidemment une idée. Aussi se contenta-t-il simplement de dire « Maintenant, mes amis, quelle quantité de poudre proposez-vous » Les trois membres du Gun Club s'entre-regardèrent un instant. « 200 000 livres, » dit enfin Morgan. « 500 000, » répliqua le major. « 800 000 livres, » s'écria J.T. Maston. Cette fois, Elphiston n'osa pas taxer son collègue d'exagération. En effet, il s'agissait d'envoyer jusqu'à la Lune un projectile pesant 20 000 livres et de lui donner une force initiale de 12 milliards par seconde. Un moment de silence suivit donc la triple proposition faite par les trois collègues. Il fut enfin rompu par le président Barbicane. « Mes braves camarades, » dit-il d'une voix tranquille, « je pars de ce principe que la résistance de notre canon, construit dans des conditions voulues, est limitée. Je vais donc surprendre l'honorable J.T. Maston en lui disant qu'il a été timide dans ses calculs et je proposerai de doubler ces 800 000 livres de poudre. « C'est 100 000 livres ?» fit J.T. Maston en sautant sur sa chaise, « tout autant. Mais alors il faudra en revenir à mon canon d'un demi-mille de longueur. « C'est évident, » dit le major. « 100 000 livres de poudre, » reprit le secrétaire du comité, « occuperont un espace de 22 000 pieds cubes environ. Or, comme votre canon n'a qu'une contenance de 54 000 pieds cubes, il sera à moitié rempli. » Et l'âme ne sera plus assez longue pour que la détente des gaz imprime au projectile une suffisante impulsion. Il n'y avait rien à répondre. J.T. Maston disait vrai. On regarda Barbicane. Cependant, reprit le président, je tiens à cette quantité de poudre. Songez-y, 1 600 000 livres de poudre donneront naissance à 6 milliards de litres de gaz. 6 milliards, vous entendez bien. Mais alors, comment faire? Demanda le général. C'est très simple. Il faut réduire cette énorme quantité de poudre tout en lui conservant cette puissance mécanique. Bon, mais par quel moyen? Je vais vous le dire, répondit simplement Barbicane. Ses interlocuteurs le dévorèrent des yeux. Rien n'est plus facile, en effet, reprit-il, que de ramener cette masse de poudre à un volume 4 fois moins considérable. Vous connaissez tous cette matière curieuse qui constitue les tissus élémentaires des végétaux et qu'on nomme cellulose. Ah! Fit le major. « Je vous comprends, mon cher Barbicane. » Cette matière, dit le président, s'obtient à l'état de pureté parfaite dans divers corps et surtout dans le coton, qui n'est autre chose que le poil des graines du cotonnier. Or, le coton, combiné avec l'acide azotique à froid, se transforme en une substance éminemment insoluble, éminemment combustible, éminemment explosive. Il y a quelques années, en 1832, un chimiste français, Braconneau, découvrit cette substance qu'il appela xyloïdine. En 1838, un autre français, Pelouze, en étudia les diverses propriétés, et enfin, en 1846, Schoenbein, professeur de chimie à Bâle, la proposa comme poudre de guerre. « Cette poudre, c'est le coton azotique. » « Ou pyroxyle, » répondit Elphiston. « Ou fulmicoton, » répliqua Morgan. « Il n'y a donc pas un nom d'Américain à mettre au bas de cette découverte ?» s'écria J.T. Maston, poussé par un vif sentiment d'amour-propre national. « Pas un, malheureusement, » répondit le major. « Cependant, pour satisfaire Maston, » reprit le président, « je lui dirai que les travaux d'un de nos concitoyens peuvent être rattachés à l'étude de la cellulose, car le collodion, qui est un des principaux agents de la photographie, est tout simplement du pyroxyle dissous dans l'éther additionné d'alcool, et il a été découvert par Ménard, alors étudiant en médecine à Boston. « Eh bien, hurrah pour Ménard et pour le fulmicoton !» s'écria le bruyant secrétaire du Gun Club. « Je reviens au pyroxyle, » reprit Barbicane. « Vous connaissez ses propriétés qui vont nous le rendre si précieux. Il se prépare avec la plus grande facilité. Du coton plongé dans de l'acide azotique fumant, pendant 15 minutes, puis lavé à grande eau, puis séché, et voilà tout. Rien de plus simple, en effet, » dit Morgan. « De plus, le pyroxyle est inaltérable à l'humidité, qualité précieuse à nos yeux, puisqu'il faudra plusieurs jours pour charger le canon. Son inflammabilité a lieu à 170 degrés au lieu de 240. et sa déflagration est si subite qu'on peut l'enflammer sur de la poudre ordinaire, sans que celle-ci ait le temps de prendre feu. « Parfait, » répondit le major. « Seulement il est plus coûteux. »« Qu'importe, » fit J.T. Maston. Enfin, il communique au projectile une vitesse 4 fois supérieure à celle de la poudre. J'ajouterai même que si l'on y met les 8/10 de son poids de nitrate de potasse, sa puissance expansive est encore augmentée dans une grande proportion. « Sera-ce nécessaire ?» demanda le major. « Je ne le pense pas, » répondit Barbicane. « Ainsi donc, au lieu de 1 600 000 livres de poudre, nous n'aurons que 400 000 livres de fulmi-coton. Et comme on peut sans danger comprimer 500 livres de coton dans 27 pieds cubes, cette matière n'occupera qu'une hauteur de 30 toises dans la Columbiade. De cette façon, le boulet aura plus de 700 pieds d'âme à parcourir sous l'effort de 6 milliards de litres de gaz avant de prendre son vol vers l'astre des nuits. » À cette période, J.T. Maston ne put contenir son émotion. Il se jeta dans les bras de son ami avec la violence d'un projectile, et il l'aurait défoncé si Barbicane n'eût été bâti à l'épreuve de la bombe. Cet incident termina la 3e séance du comité. Barbicane et ses audacieux collègues, auxquels rien ne semblait impossible, venaient de résoudre la question si complexe du projectile, du canon et des poudres. Leur plan étant fait, il n'y avait qu'à l'exécuter. « Un simple détail, une bagatelle, » disait J.T. Maston.